Running Mix. Oh, oh, oh, yeah, eh, yeah, yeah. Legend Beat. Allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Allez de l'avant, oh, oh. C'est une vie pleine de défis. Toute une vie pas facile de réussir ici, ici, baby. Chaque jour, le détour ne sourit pas toujours. Le Kosovo, c'est une vie pleine de défis.